Exercice 13, page 125. Oscar se demande bien ce qu'il cherche. Après la cuisine, il examine rapidement les papiers sur le bureau du salon. Beaucoup de textes en allemand, des photos de peintures anciennes, sans doute le travail de Natacha.